Vous vous en souvenez peut-être, chers auditeurs, nous nous sommes entretenus de ce que la Bible appelle la bataille d'Armageddon, cette dernière guerre que l'humanité connaîtra. Comme nous l'avons vu en survolant le chapitre 11 du livre du prophète Daniel, des armées venues des quatre points cardinaux envahiront le Proche-Orient. De ce fait, Israël connaîtra une très grande détresse. C'est ce que montre le début du chapitre 12 que nous abordons ce soir. Ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Verset 1. Des pogroms d'Europe centrale au camp de la mort d'Hitler, la détresse n'a pas été épargnée à Israël. Mais la Bible montre que ce peuple n'est pas encore au bout de ses souffrances. Le jour vient où tous seront contre lui. Il aura perdu le capital d'amitié et de sympathie accumulé au cours des années. Plus personne ne le soutiendra, ni économiquement, ni militairement. Mais lorsqu'il sera seul sur le plan humain, Dieu lui enverra du ciel son secours. Les premiers mots de Daniel 12 l'affirment. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Qui est-il donc, ce grand chef Michaël, déjà mentionné au chapitre 10 de Daniel et qui réapparaît ici? C'est un ange. Un archange puissant même, qui se tient dans la présence de Dieu pour exécuter ses ordres. Nous le retrouvons à plusieurs reprises dans l'Écriture, et en particulier au chapitre 12 de l'Apocalypse, un chapitre presque entièrement consacré au sort d'Israël à la fin des temps. Et parce qu'Apocalypse 12 nous aide à comprendre Daniel 12, il peut être utile de résumer brièvement ce chapitre. Il y est question d'une femme qui donne naissance à un fils destiné au règne universel et d'un dragon rouge qui la guette pour dévorer l'enfant. Dans le cadre de cette courte émission, il m'est impossible de vous présenter une exégèse complète de ce passage biblique. Qu'il me suffise donc de dire que le fils et sa mère symbolisent Jésus-Christ né d'Israël pour régner un jour sur le monde. Quant au dragon, c'est Satan, l'ennemi séculaire de Dieu. En Apocalypse 12, il s'acharne contre Israël, mais Israël échappe à ses tentatives parce que Dieu intervient en sa faveur dans une succession de miracles. Et cela dure, nous précise Apocalypse 12, verset 14. Un temps, des temps et la moitié d'un temps. Un temps, des temps et la moitié d'un temps. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous pourrions traduire un temps égale une année, des temps égale deux ans, la moitié d'un temps égale six mois. Donc, trois ans et demi. Et cette période de trois ans et demi correspond aux 42 mois ou aux 1260 jours qui se réfèrent au même événement dans d'autres passages prophétiques. À la fin des temps, Israël connaîtra donc trois ans et demi de survie miraculeuse au cours desquels Michaël, le défenseur du peuple juif, jouera vraisemblablement un rôle important dans l'invisible. Le prophète Daniel mentionne lui aussi cette période de trois ans et demi, au chapitre 12, verset 7. Ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps que toutes ces choses finiront, quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. La persécution sera si terrible que le ressort du peuple juif se brisera. Mais au pire moment, le Seigneur reviendra et prendra les choses en main. Un détail encore. En Daniel 12, versets 11 et 12, les 1260 jours deviennent successivement 1290 et 1335 jours. Pourquoi cette prolongation? Eh bien, tout simplement, parce que 30 ou 75 jours supplémentaires ne seront pas de trop pour assurer le juste retour des choses après l'intervention du Seigneur. Punition de l'Antéchrist, jugement des méchants, puis investiture du roi des rois et récompense des fidèles. Alors, et alors seulement, s'instaurera sur la planète Terre une paix véritable qui se prolongera pendant 1000 ans. Bien sûr, Daniel ne saisissait pas pleinement la portée de son message prophétique. Il le confesse au verset 8. J'entendis, mais je ne compris pas. Mais si Daniel n'a pas compris, c'est qu'il n'avait pas à sa disposition les autres passages prophétiques qui permettent d'interpréter une telle révélation. Par contre, nous avons accès à l'ensemble de l'écriture. Et c'est pourquoi nous pouvons mieux comprendre ce message que Daniel lui-même. Déjà, Apocalypse 12 a éclairé pour nous Daniel 12. Et un troisième chapitre 12 vient nous apporter maintenant son complément de lumière, Zacharie 12. Un chapitre qui traite de la bataille d'Armageddon et dont nous avons déjà cité le verset 3. En ce jour-là, toutes les nations de la terre s'assembleront contre Jérusalem. Puis Zacharie nous conduit jusqu'à l'issue de cette bataille. C'est Dieu qui parle, verset 9. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Et pourquoi Dieu prendra-t-il alors la défense d'Israël? D'abord, parce qu'il s'y est engagé il y a près de 40 siècles, lorsqu'il a promis à Abraham « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. » Genèse 12, 3. Ensuite, et c'est capital, Dieu prendra la défense d'Israël parce que cette nation se sera repentie. Repentie? Mais de quoi? Du plus grand crime de l'histoire, où Israël a sa pleine part de responsabilité? Le crime de la crucifixion de Jésus-Christ. Bien sûr, les ressortissants de plusieurs autres peuples se sont aussi joints à ce crime. Mais ce sont les chefs religieux d'Israël qui ont décidé de faire mourir le Fils de Dieu et qui se sont écriés à son sujet « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Matthieu 27, 25. Aussi, Dieu a-t-il donné un rendez-vous à son peuple d'autrefois? Il faut qu'il demande pardon à Dieu d'avoir fait crucifier son fils. Aujourd'hui, Israël n'est guère disposé à se repentir. Mais lorsque les événements dramatiques de la bataille d'Armageddon l'acculeront à l'extrémité, il ne saura plus où se tourner, sinon vers le ciel, pour demander pardon à Dieu. Ce sera alors un réveil de conscience à l'échelle nationale, un réveil de conscience dépeint en termes pathétiques au verset 10 de ce chapitre 12 de Zacharie, c'est le Seigneur qui parle. « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. » Acculés au désespoir, Israélites et Israéliens seront ramenés malgré eux à l'événement historique du printemps de l'année 30 de notre ère, quand leurs ancêtres condamnèrent Jésus-Christ au supplice. Ils se souviendront alors des clous qui ont percé les mains et les pieds de leur Messie, et ils se mettront à pleurer comme ils n'ont jamais pleuré jusqu'à ce jour. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, dans la vallée de Megiddo, c'est-à-dire à Armageddon. Zacharie 12, 10 à 11. Pour tous les Israélites, la prise de conscience de leur culpabilité fera donc jaillir des larmes et les jettera dans l'humiliation. Un esprit de supplication s'emparera d'eux. La grâce divine leur sera accordée et le Seigneur pardonnera leurs péchés dès qu'ils lui auront confessé. C'est pourquoi nous lisons à la fin de ce passage. En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem pour le péché et pour l'impureté. Zacharie 13, 1. Vous l'avez bien compris, chers amis à l'écoute, cette source ouverte, c'est la grâce divine qui découle de l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ. Le pardon d'Israël est assuré par le don du sang et de la vie de Christ à la croix du calvaire. Et dès qu'Israël sera pardonné, plus rien n'empêchera le Seigneur de reprendre ses relations avec son peuple d'autrefois. Il le délivrera, il le réhabilitera et lui rendra sa vocation. Alors l'Esprit de Dieu se saisira de ce peuple pour le transformer et le rendre en bénédiction au monde. L'un des plus illustres Israélites de l'histoire, l'apôtre Paul, s'est réjoui à l'avance de ce réveil. Il écrivait aux chrétiens de Rome au sujet de ses frères de race. « Ils se convertiront tous, et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, « Le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leur péché. Et un peu plus loin? Ils sont aimés à cause de leur Père, car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Épître aux Romains, chapitre 11, verset 12 et verset 26 à 29. En attendant ce jour du réveil d'Israël, voulons-nous, chers amis à l'écoute, prier fidèlement pour ce peuple? Si la grande majorité des Juifs n'ont pas encore reconnu en Christ leur Messie, l'esprit de grâce et de supplication s'est déjà répandu sur certains d'entre eux qui ont reçu Christ comme leur sauveur personnel. Et pourquoi les difficultés inextricables dans lesquelles la nation d'Israël se débat aujourd'hui ne serviraient-elles pas de catalyseur à un mouvement de repentance et à un réveil de conscience? Alors d'autres enfants de Jacob reconnaîtront à leur tour en Christ celui qu'ils ont percé. Chers amis, auriez-vous une fois été lésés par les procédés ou les astuces d'un juif? Auriez-vous été heurtés par certaines de leurs attitudes sur le plan politique ou militaire? Qu'importe, il nous faut les aimer. Il nous faut prier pour eux. Ils sont aimés à cause de leur Père. Souvenons-nous aussi des persécutions que la chrétienté infidèle leur a infligées dans le passé. N'avons-nous pas amende honorable à faire à leur égard? Notre Sauveur s'est identifié à eux en naissant dans un foyer juif de Palestine. Ils sont les frères de notre Seigneur bien-aimé, et par loyauté envers lui, nous avons à les comprendre, à les soutenir, à prier pour eux. Que notre étude du livre de Daniel contribue à faire de nous des chrétiens qui seront priés pour Israël comme pour le monde en nos temps de la fin.